L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Au cours de cette émission, on a abordé certains spectacles qui vont se retrouver à l'affiche d'un événement qui se déroule non seulement à l'apostrophe, à la scène nationale de Cergy-Pontoise, mais également à Beson et à Gonesse, du 18 janvier au 24 février. C'est Périphérique, Festival des Arts Mêlés pour sa 13e édition. Quelques mots de présentation, l'état d'esprit de cette initiative qui, elle aussi, s'est construite sur la base d'un partenariat avec le théâtre Paul-Éluard, scène conventionnée sur la ville de Beson et la direction des affaires culturelles sur la ville de Gonesse. Jean-Joël Le Chaplin. Oui, le projet, il est en effet dans la droite ligne de ce qu'on vient d'évoquer par rapport aux actions des lieux qui proposent des offres artistiques dans leurs équipements et qui prend en considération là, avec ce projet périphérique Arts Mêlés, deux considérations, une qui est territoriale, l'idée de travailler avec des endroits qui sont éloignés les uns des autres, hein, plutôt dans l'est du département du Val-d'Oise et l'autre plutôt dans le sud, c'est-à-dire Gonesse et Beson, avec Cergy-Pontoise. Et puis l'autre focale sur le plan des contenus, c'est de mettre en lumière des projets qui sont tout à fait, qui nous paraissent tout à fait atypiques, d'où la présence par exemple du projet autour d'Alain dont nous parlions tout à l'heure. Donc c'est deux pieds que repose cette manifestation qui d'ailleurs, je voulais le souligner, bénéficie, il y aurait un quatrième partenaire qui est RGB qui accompagne l'ensemble du projet, ce dont je le remercie. Au niveau des spectacles, il est clair qu'au fil du temps, c'est un événement qui ne manque pas d'audace, car autant on peut observer ici là que certains ont une certaine frilosité à programmer certaines créations. Les Arts Mêlés, c'est on va dire la transversalité de toutes les disciplines artistiques. Oui, enfin, là, on n'essaye pas de faire une exhaustivité de cette transversalité, mais d'aller choisir des projets, des collaborations avec des artistes qui, de fait, explorent quelque chose qui relève de cette transversalité. Et donc là, l'essentiel de nos souhaits, nos préoccupations, c'est évidemment de mettre en lumière aussi ce qui se fait de plus original et intéressant dans ce secteur. Alors, le fait de tout focaliser dans un événement, ça présente quelques avantages et quelques inconvénients. Au titre des avantages vis-à-vis du public, c'est celui d'attirer le regard en disant, bon, si vous cherchez des choses un peu originales, vous êtes sûr que vous allez pouvoir les trouver ici. Et puis l'inconvénient, c'est que finalement ça peut être éventuellement contre-productif. Si des spectateurs veulent trouver des valeurs sûres, de références qu'ils connaissent, ils seront moins enclins à venir, mais on prend ce risque. Et à l'usage, en effet, depuis 13 ans, on voit bien qu'il y a toute une catégorie de gens qui s'intéressent, qui sont curieux de nature et qui ont envie de découvrir ces nouvelles propositions faites par les artistes. Au cours de l'émission, on a parlé de différentes choses, et en particulier des Chiens de Navarre qui seront présents dans le cadre de ce périphérique Festival des Arts Mêlés, avec leur humour bien connu, leur humour corrosif, comme on a pu le décrire au travers du spectacle qui sera présenté à l'occasion de cette édition 2017. Des formes qui sont parfois difficiles à définir, à présenter. Le Paris, François Verrès, artiste en résidence. Alors au départ, si on fait un raccourci peut-être trop rapide, on va le présenter, le cataloguer comme chorégraphe. Là, le Paris, dit-il, c'est celui de l'impossible, de l'issue, de l'invention, de la luciole. Un travail à partir de multiples matériaux, ce qu'il est venu semer et engranger sur le territoire. Oui, alors le terme de chorégraphe pour désigner son travail n'est pas totalement impropre, puisque à la différence d'un metteur en scène, ou aussi quelquefois même d'un chef d'orchestre, voire d'un compositeur qui joue ses propres œuvres, c'est pas la différence, mais c'est de la même façon, le chorégraphe invente son propre langage. Hein, il crée un langage corporel, il crée des situations qui sont inédites. Elles n'ont pas été écrites la plupart du temps préalablement. Et donc c'est dans cette démarche que que s'inscrit le travail de François Verrès, qui là, lui, a effectué et continue d'effectuer un repérage, une interrogation, un dialogue avec les populations locales de tous âges pour essayer de comprendre quelle est la situation dans laquelle se trouve notre société, la planète plus généralement, mais plutôt notre société. Il fait un parallèle entre la réflexion qui aurait pu ou qui ont existé dans les années de 1914-1918, n'est-ce pas ? Que pensait cette génération au moment où la guerre mondiale agitait toute l'Europe, et puis l'Europe et le monde, et les années 2014-2018, où il y a des conflits aussi un petit peu partout, et où peut-être on pourrait réinterroger à l'aune de l'histoire quelle est la place de l'homme dans toute cette problématique, puisque ce que nous vivons, eh bien, c'est nous qui le fabriquons, mine de rien. Donc François Verret s'inscrit sa réflexion là-dedans, et il convoque à la fois des éléments scénographiques, à la fois des interventions des performeurs et performatrices, des artistes qui ne sont pas des interprètes, mais qui sont véritablement des artistes à part entière qui relèvent de ce qu'on appelle la performance, c'est-à-dire un propos singulier qui lui-même est accolé dans un propos plus général dans lequel il y a de la danse, du chant, de la musique, des images, des témoignages, enfin toute une série de choses qui nous font penser que le pari qu'il prend et que nous prenons avec lui, eh bien, il sera gagné, évidemment, on l'espère. En ayant puisé, cependant, pas seulement son inspiration, sur ses rencontres nombreuses avec les habitants. Voilà, c'est ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire qu'il a rencontré de nombreuses, au cours de nombreuses heures, enfin de très nombreuses heures, beaucoup de gens qu'il a fait parler, qu'il a parlé avec eux, et qui lui permettent, d'une certaine façon, de se nourrir de cette matière, qui d'ailleurs, on le voit bien, est terriblement abondante, au point qu'au moment où on parle, il est encore dans la phase finale pour réaliser le spectacle, et qu'il a du mal à trouver les points de coupure, de quoi, qu'est-ce qu'il faut éliminer dans tout cela, tellement c'est abondant, et en effet, c'est la rançon de sa propre démarche, mais qui n'est pas une chose négative, au contraire, mais qui témoigne que finalement, contrairement à ce que l'on pourrait penser, la société française a beaucoup de choses à dire sur elle-même et sur le propre regard qu'elle porte sur son présent et sa destinée. Le pari de François Verret, artiste en résidence, à découvrir pour cette nouvelle création, les mercredis 18 janvier, 20h30, jeudi 19 janvier, 14h30, et vendredi 20 janvier à 20h30, à l'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy Centre. Cette rencontre du vin, pardon, le vin étant une journée suivie d'une rencontre avec l'artiste et le public. Voilà, j'allais le préciser, mais c'est dit. Deuxième autre spectacle que j'aimerais qu'on évoque peut-être à un pas un peu plus soutenu, Meguri, le raffinement, la beauté qui interroge le passage du temps, le changement des saisons et l'évolution des choses. Un spectacle, oui, je parle de raffinement, c'est vraiment le cas avec ce spectacle proposé par la compagnie Sankaijuku. Alors, les Sankaijuku, c'est une très vieille compagnie qui est... Plus de 40 ans d'âge, je crois. Oui, qui, absolument, et qui est managée par un chorégraphe qui s'appelle Ushua Magatsu, qui est lui-même un âge tout à fait respectable et continue d'être présent dans la mise en scène de ses spectacles. Alors, ce qu'il propose, c'est un projet à partir de l'inspiration du buto. Qu'est-ce que le buto ? Le buto est la danse qui est née après la sidération de la bombe atomique la réaction artistique qui s'en est suivie pour que la société japonaise trouve les moyens et les voies de la reconstruction derrière cette extraordinaire catastrophe. Et donc, c'est pour ça que dans le buto, l'ensemble des personnages sont toujours de blanc vêtus, c'est-à-dire rasés et blancs, comme inspire en référence à ce qu'est la bombe atomique qui a fait un éclairage absolument faramineux de moment de l'explosion et apocalyptique, oui. Et donc cette danse ici, elle est cependant, sans se dire qu'elle soit forcément joyeuse, elle est optimiste. Et là, Meguri, c'est pourquoi je confondais tout à l'heure avec chinois et japonais, puisque Meguri est un terme chinois qui évoque la question de la rondeur, de la rotation. Et donc l'ensemble de la, du spectacle est une évocation de tout cet univers qui n'est pas forcément porteur de sens politique premier, si je puis dire, mais bien dans la philosophie japonaise, c'est-à-dire, et plus généralement orientale, c'est-à-dire qu'il y a une relation forte à la, au territoire, forte à la nature, et c'est dans cette inspiration et le jeu sur ces formes que, finalement, les artistes proposent un parcours devant un décor qui fait référence à, aux périodes du Paléozoïque, c'est-à-dire avec des petites incrustations sur un très beau décor de fond, de plateau, qui évoque ces insectes et ces animaux qui ont été figés dans la pierre par le temps. C'est un très très beau spectacle à découvrir assurément. Meguri, par la compagnie Sankaijuku, le vendredi 3 février à 20h30, cette fois-ci à l'apostrophe Théâtre des Louvrais à Pontoise. On finit ce petit tour de piste avec Nobody. Cyril Test, du théâtre, plus que ça, on parle de performance filmique, on est à la croisée d'une double écriture, à la fois scénique et cinématographique. Alors là, on est tout à fait dans le type de projet qui représente ce que... à quoi on pourrait penser lorsqu'on parle de périphérique, puisque là on a un spectacle de théâtre à la base. De quoi s'agit-il? On va chercher un homme qui va nous aider à faire la restructuration de l'entreprise qu'on a besoin quand même de restructurer pour gagner beaucoup plus d'argent. Et donc on va chercher cet homme, et cet homme on le voit arriver dans l'entreprise. En fait, on le voit arriver, mais il n'est pas là, en fait. Il est là par la voix, mais c'est lui qui commande et qui dirige l'ensemble de cet univers que l'on découvre avec un œil comme ça de voyeur. Et l'ensemble de l'entreprise, on voit les mouvements s'opérer entre les différents acteurs professionnels. On voit les relations professionnelles jusqu'au burn-out. On voit les relations privées qui sont comme ça dans des frottements. Et puis, on voit la destruction de cette micro-société, et tout cela est en même temps filmé. Donc nous avons à la fois un film sur le direct, une réflexion sur le film, sur le réel qui est transcendé et transformé dans le film. On est dans une démarche qui est le contre-type un petit peu de celle d'Alain Moget dans la mise en musique de films existants. On est là dans la création complète in vivo de quelque chose qui en plus nous parle beaucoup, puisque ça parle de tout ce dont les journaux et les télévisés ou papier, n'est-ce pas, ou radiophoniques sont remplis, c'est-à-dire de la désagrégation de la société par la relation au travail. C'est absolument un exercice tout à fait sublime qui a été fait par Cyril Test sur des textes de Falk Richter, qui est un très grand auteur dramatique allemand, dont on a déjà accueilli au Théâtre des Œuvres. Et là, c'est véritablement un exercice tout à fait exaltant à voir, qui est triste par ce que ça porte, mais qui est formidable par ce que ça suscite comme réaction du public. Nobody de Falk Richter, sur une mise en scène de Cyril Test, à découvrir le jeudi 23 février, 19h30. D'ailleurs, ce jour-là, il y aura une rencontre avec l'équipe artistique à l'issue de cette représentation. Autre représentation le lendemain, vendredi 24 février à 20h30, à l'apostrophe Théâtre des Louvrais à Pontoise. Petite information concernant un spectacle qui avait été initialement présenté et annoncé dans le cadre de Périphérique, qui sera reporté à une date ultérieure. C'est La Patience des Volcans, année zéro, de Franck Mas, c'est bien ça? Oui, c'est reporté à une date ultérieure, c'est reporté à l'édition prochaine de Périphérique en 2018. Merci Jean-Joël Le Chapelain.